Bon alors David, donc t'es cheminot à Sotteville et les cheminots de Sotteville et de Rouen en général, ils étaient déjà très très mobilisés en 95, ils ont tiré la grève de 95 on peut dire, et aujourd'hui ils sont toujours là. Oui, on est toujours là. Bon, moi j'étais déjà en 95, j'étais tout jeune cheminot, tout jeune conducteur de train. Aujourd'hui, je suis toujours en grève contre, toujours contre le même problème, c'est le capitalisme qui veut piquer notre fric, le fric de tous les salariés. Et il faut qu'on se batte, tous ensemble. Tous les salariés de France doivent se battre. C'est le moment, on ne peut pas lâcher, on ne doit pas lâcher, on doit aller jusqu'au bout. Et peut-être tu peux... Là, en 95, c'était un très gros centre, le centre technique, le technicentre SNCF de Sotteville. Là, ils ont démantelé au fur et à mesure. C'est le dépeçage capitaliste qui a été assez efficace pour éclater aussi les formes de lutte. Mais il y a un village gaulois cheminot qui résiste. Comme toujours, heureusement ou malheureusement, c'est un peu les conducteurs qui traînent, qui tirent la lutte vers le haut, puisque effectivement, quand il n'y a pas de conducteur en tête d'un train, pour l'instant, on a la chance, c'est que le train ne peut pas rouler. Bon, on n'a pas encore les 100% ou on n'a plus les 100% de grévistes, mais on tient des bons scores. On est encore à 71% aujourd'hui de D2I posés, donc ce qui veut dire que 71% de personnes, déclaration d'intention de grève, on va dire. Sur ce chiffre, c'est quand même 60% des personnes devant travailler parce qu'il y a aussi des personnes en repos, ce qui fait quand même qu'il y a malgré tout très peu de trains qui roulent. Et l'état des lignes normandes, c'est il y a des associations d'usagers, d'usagères qui sont créées parce qu'on voit bien en fait que le fait de complètement déchiqueter la SNCF en tant que service public, c'est très très visible sur les lignes normandes en termes de retard, de problèmes de matériel et tout ça. Oui, ça c'est la volonté de la direction, mais plus loin que ça, c'est la volonté du gouvernement et de la région maintenant, de diminuer entre guillemets les effectifs, de diminuer le nombre de rames en bon état en plus, ce qui fait qu'on se retrouve souvent et malheureusement avec des rames dont les toilettes ne marchent pas, des rames en panne, et le service est perpétuellement dégradé depuis cette volonté donc des politiciens de malmener entre guillemets le ferroviaire. Ils préfèrent faire des bus, ça coûte moins cher, soi-disant, à la collectivité locale, puisque c'est la région qui paye le TER. Mais au bout du compte, qui est-ce qui paiera les routes quand il s'agira de payer l'entretien de ces routes, parce que les camions dégradent énormément les routes? Qui est-ce qui va payer aussi l'écologie, la pollution de tous ces camions qui roulent et qui polluent énormément plus que le train? Donc c'est une volonté politique de casser le ferroviaire. C'est dramatique. Alors qu'on pourrait, entre guillemets, diminuer le nombre de camions, diminuer et augmenter le nombre de trains sur les voies ferrées. Donc c'est une question, la lutte c'est une question écologique, enfin la lutte de la SNCF c'est une question écologique autant que sociale. C'est écologique, c'est social et effectivement si on mène cette grève, c'est parce qu'effectivement on a un pouvoir bloquant très rapide, mais il n'y a pas que les cheminots qui sont dans la rue. On sait que dès demain, par exemple, il y a des profs qui vont continuer la grève reconductible. Il y a aussi des problèmes chez les profs avec la volonté du gouvernement de casser tout ce qui est service public, et notamment l'éducation nationale, les hôpitaux. Tout est en train de se détruire et tout est en train d'être envoyé vers le capitalisme. Mais là, il y a quand même une mobilisation super forte et qui lâche rien, quoi. Là, il y a un état de... J'ai l'impression... un ras-le-bol, et là on dit non, tout le monde s'y met là pour pousser ensemble. C'est ça, et il n'y a que tous ensemble qu'on peut gagner. Il faut arriver à refaire reculer ce gouvernement. Le gouvernement, c'est un banquier, il veut tout donner aux banques, et c'est là que ça ne va pas, parce qu'on sait très bien que quand tout sera aux banques, on va s'appauvrir. Et là, c'est ta première manif avec la SNCF qui a son nouveau statut, qui a été modifié au 1er janvier, c'est assez symbolique aussi. Alors c'est pas exactement la première année parce que j'en ai déjà fait une samedi dernier, c'est pas grave, mais oui c'est effectivement une première manif une première grosse manif avec un nouveau statut. Le problème de ce statut c'est que pour l'instant il n'y a pas de convention collective ferroviaire, donc le but à la fois du patronat et du gouvernement c'est d'essayer de continuer à malmener entre guillemets les cheminots, à malmener le ferroviaire pour essayer de continuer de détruire ce système qui était un des meilleurs du monde entier. Merci beaucoup David. Bonne journée.